Bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous de l'Instant Écho, le premier rendez-vous de l'année 2022. Et au nom de toute l'équipe de l'Instant Écho, on vous souhaite une excellente année 2022. Et comme chaque mois, fidèle au poste, Francine, eh bien Francine, bonne année. Bonne année Jérôme. Bonjour à tous et bonne année à tous. Alors Francine, quel est le programme de ce mois ? Alors, ce mois-ci, nous allons retrouver des journalistes en herbe, des étudiants du lycée Georges de la Tour qui vont nous présenter des chroniques et des interviews. Parfait Francine, alors on se retrouve tout de suite pour ce nouveau numéro de l'Instant Écho. Alors nous accueillons dans les studios donc des étudiants de la section donc DCG du lycée Georges de la Tour et notamment son représentant Léandro. Alors bonjour Léandro. En premier lieu, DCG, qu'est-ce que cela signifie ? Alors en fait, c'est le diplôme de comptabilité et de gestion. C'est en fait une licence qui marque la première étape du métier d'expert comptable. La formation, elle est délimitée en quatre axes qui sont le droit des affaires, la gestion comptable et financière, l'analyse économique et managériale et enfin la communication et l'environnement numérique. Très bien Léandro, donc on vous retrouve tout à l'heure donc pour une chronique économique. Voilà pour notre première séquence, on va donc retrouver donc Ismaël et Marius qui vont nous parler donc de l'impact de la crise sanitaire. En effet, nous avons décidé de rencontrer une restauratrice du secteur nancéen pour l'interroger sur les difficultés rencontrées pendant et après la crise sanitaire. Quel a été l'impact de la crise sanitaire sur votre activité ? Alors nous, moi, mon établissement fait partie d'une chaîne qui est courte paille. Donc après la crise sanitaire, donc je parle de mars 2020, quand on a dû fermer nos restaurants du jour au lendemain, on s'est retrouvés 2 mois après en redressement judiciaire. La chaîne s'est retrouvée en redressement judiciaire, cessation de paiement auprès des fournisseurs, les actionnaires qui nous ont abandonnés. Du coup, voilà, ça a été compliqué. On ne savait pas si on allait être acheté, on ne savait pas si on allait rouvrir les portes. Donc très très compliqué. À ce niveau-là, maintenant, on a été récupéré par la chaîne Buffalo depuis un an aujourd'hui. Après la crise sanitaire, ça va un peu mieux. Depuis cette histoire de passe sanitaire, on reprend doucement d'activité. Avez-vous mis en place la vente à emporter pour compenser la perte d'activité ? Oui, on a essayé, mais ça après la deuxième fermeture des restaurants, donc il y a un an, en octobre 2020. On a essayé de faire de la vente à emporter et de la LAD, c'est-à-dire la livraison à domicile, avec les plateformes Uber Eats et Deliveroo. Sauf que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on ne faisait pas avant. Donc les clients ont du mal à s'adapter à ça. On n'a pas forcément eu beaucoup de retours. On a arrêté au bout de 15 jours. Voilà, mais on a continué à travailler du coup, à l'ouverture des restaurants avec les plateformes Uber Eats et Deliveroo et aujourd'hui c'est un chiffre d'affaires qui est assez conséquent. Avez-vous bénéficié des aides de l'État ? Alors les mises en place, c'est-à-dire les aides, donc il y a eu le prêt garanti État que bah, nous on n'en a pas bénéficié. Courtepaille avait fait la demande quand le gouvernement avait mis ça en place, chose qui nous a été refusée, d'où le fait qu'on s'est retrouvé en redressement judiciaire parce qu'on n'avait aucune aide. À part le chômage partiel, donc là, on a pu payer les employés. Les salariés sont-ils revenus après les difficultés de la crise sanitaire et avez-vous rencontré des difficultés de recrutement ? Alors j'ai quand même eu de la perte au niveau humain. Certains qui ont préféré arrêter. Parce que du coup, nous on fait un métier, on travaille les soirs, on travaille les week-ends, voilà. De se retrouver chez eux soir et week-end, ils ont retrouvé un certain confort et ils voulaient plus de ça. Donc il y en a certains, j'ai dû avoir 2-3 salariés qui ont quitté l'entreprise suite à ça, trouver un boulot un peu plus normal si on peut dire, avec un confort de vie, voilà. Et au niveau du recrutement, ouais, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, on a l'impression que les gens ne veulent plus travailler, enfin, voilà, surtout dans notre métier, on en parle beaucoup hein, aujourd'hui, et surtout c'est plus du tout les mêmes profils qu'avant. Donc aujourd'hui il faut savoir que moi tous les nouveaux que j'ai recrutés ce n'est que des étudiants, et j'ai dû m'adapter avec ça. Avez-vous songé personnellement à changer d'orientation professionnelle ? Non, moi ça n'a pas été mon cas, au contraire j'avais qu'une hâte, c'était de repartir au boulot. Non, moi ça m'a plus apporté en termes d'agilité. En termes d'agilité, j'ai dû m'adapter bah, justement à ces nouveaux profils qui viennent postuler chez nous. Non, j'ai pas, moi en tout cas j'ai pas du tout envie d'arrêter, enfin j'ai avec ce qui nous est arrivé, donc le redressement judiciaire, on a failli perdre notre boulot. C'était pas le moment de quitter le navire, quoi. Eh bien, merci Marius et donc Ismaël pour cette interview intéressante, hein, qui nous a montré effectivement que la gestion au quotidien de la crise sanitaire n'a pas été donc facile dans le domaine de la restauration. On va passer tout de suite donc à notre séquence numéro 2. Alors maintenant, on va retrouver Maëva et Maëva, comme les Dupont-Dupont, pour nous parler donc d'une application comptable qui permet au chef d'entreprise de gérer lui-même sa propre comptabilité. En effet, nous allons vous présenter une start-up créée en 2020 appelée Abhi. Maëva, tu peux nous faire une présentation simple de cette start-up ? Oui Maëva, avec plaisir. Alors Abhi, c'est une application qui a été développée par 4 entrepreneurs nancéens. Elle est totalement gratuite et facilite la vie des auto-entrepreneurs dans la création ou la gestion de leur entreprise. C'est une idée très innovante. Et concrètement, que pourra faire l'auto-entrepreneur grâce à cette application ? Il va pouvoir gérer entièrement son activité. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, par exemple, facturer ses clients. Il pourra créer des devis facilement, envoyer des factures à ses clients directement depuis l'application et se faire payer en ligne. Il pourra également réaliser lui-même ses déclarations de revenus, ses déclarations de TVA. Et enfin, il pourra déclarer son chiffre d'affaires et suivre ses recettes et ses dépenses. Mais la gestion d'une entreprise, c'est parfois compliqué pour certaines personnes. Le fait de réaliser ses déclarations ou de comprendre ses budgets, c'est pas donné à tout le monde. L'application, elle est vraiment accessible à tous ? Oui, les créateurs ont tout prévu. Des démos sont disponibles. Tout est simplifié et expliqué au mieux pour accompagner l'entrepreneur. Par exemple, Abhi s'assure des délais de paiement des clients en activant des relances automatiques si besoin. Elle indique et rappelle aussi toutes les échéances fiscales et administratives afin que l'auto-entrepreneur n'oublie rien. Et enfin, elle crée des tableaux de bord pour que le professionnel ait une vue d'ensemble sur son activité. Et elle va calculer des indicateurs clés au pilotage de l'entreprise. Eh bien, avec tout ça, l'entrepreneur peut être serein. Gérer une entreprise n'aura jamais été aussi simple. Mais tout ça a bien un coût. Il y a un abonnement mensuel ou annuel ? Effectivement, on peut se poser la question. Ça paraît étonnant, mais l'application est entièrement gratuite et les créateurs affirment qu'elle le restera. Génial. Il n'y a donc que des avantages à cette application. Pour l'auto-entrepreneur, oui. Il n'y a que des avantages. En revanche, pour la filière comptable, cela peut avoir un grand impact. Avec Abhi, le métier de comptable devient complètement inutile. La plupart des auto-entrepreneurs avaient recours à un comptable pour assurer une partie ou la gestion entière de leur entreprise. Mais avec l'application, tout est plus intuitif et facile à réaliser et à comprendre. Mais de nos jours, les cabinets d'expertise comptable proposent déjà une autonomie de leurs clients sur certaines tâches. Et la saisie est de moins en moins importante. Par contre, le rôle de l'expert comptable en tant que conseiller ne peut pas être pris en charge par l'application. En effet, c'est une remarque intéressante, mais Abhi permet d'échanger avec des experts n'importe quand depuis l'application. Ils sont là pour conseiller, aider et répondre à toutes les questions ou doutes de l'auto-entrepreneur. D'accord, parfait, je vois que les créateurs ont pensé à tout. Et pour finir, ils ont des perspectives pour l'avenir ? Oui, pour l'instant, les entrepreneurs nancéens se concentrent principalement sur les petites entreprises, mais ils espèrent proposer des services pour les entreprises de taille supérieure à l'avenir. Très bien, et ben je pense qu'on a fait le tour. Merci pour ta présentation Maëva. Merci à toi Maëva. Alors donc vous allez rappeler rapidement donc le nom de cette application. L'application Abhi. L'application Abhi, je crois que vous avez fait une bonne description hein, des avantages et des atouts de cette nouvelle application pour les chefs d'entreprise. Merci à toutes les deux Maëva. Fadjet, c'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Passons maintenant à notre première pause musicale. Alors Léandro, quel a été le choix de la section DCG ? Alors avec la section DCG, nous avons choisi comme premier titre Rise de Lost Frequencies. Eh bien très bien, on va se retrouver donc juste après ce premier coup de cœur musical pour une chronique donc animée par Mathilde et Amandine qui sont allées donc retrouver donc des gérants de court-circuit qui est un nouveau concept de consommation sur l'Axou. On se retrouve donc tout de suite après ce premier coup de cœur musical. All of the shame now, nothing but closed doors. I'm not gonna break down. So doubt is a strong drug. It gets in your bloodstream. You lose your hope, you lose your soul, you lose the whole thing. Enough for my whole life to know it won't break me. Ain't no way, no way I'm stopping now. Gonna make my way right through the clouds. I rise. once again I rise, I rise. Maintenant, place à Mathilde et Amandine qui vont nous présenter une interview sur un concept un peu particulier, une entreprise qui s'appelle Court Circuit. En effet, nous avons rencontré Cynthia et Adrien qui sont les gérants de ce concept et on leur a demandé tout d'abord de présenter le concept de Court Circuit. Court Circuit Nancy, c'est une épicerie vrac de produits bio et locaux et c'est associé à un bar en licence 3. Donc le bar, c'est que des produits locaux. Oui, voilà. Donc, en fait, on a ouvert ces courts-circuits parce que ça vient de notre choix de consommateur. On voulait consommer en diminuant le plastique au maximum. Donc, on a essayé d'ouvrir un lieu qui permet ça, mais aux clients principalement, parce que c'est compliqué dans la vraie vie à mettre en place. Et on veut aussi que ce soit un lieu de vie, un lieu convivial. Donc, on fait des animations, on a des concerts de temps en temps, on veut faire des ateliers. On a un débat demain, par exemple. On a un concert samedi prochain, des gens qui viennent faire à manger, des expositions d'artistes. Il y a Franck Volo qui va venir exposer bientôt, on a Audrey qui a exposé aussi, on a plein de choses. Et on a créé aussi Court Circuit pour rendre le quartier vivant aussi, parce qu'on habitait ici et on se rendait compte que pour aller boire un coup ou participer à des choses, il faut forcément aller en ville. Et voilà, on a voulu créer ça à cet endroit-là. On met aussi des jeux de société à disposition de nos clients. On a une espèce de bibliothèque où il y a des bouquins à lire ici. On a aussi... toutes les activités qu'on fait par ailleurs, et le lieu est assez atypique. Voilà, c'est assez charmant, je dirais. Mais comment avez-vous choisi vos fournisseurs ? Déjà, en fait, on a trois catégories de produits, on peut dire. En fait, on a les produits qui sont locaux, avec des produits bio et pas bio, et on a les produits qui viennent de plus loin. Voilà, donc il y a eu une démarche au début qui était assez compliquée pour essayer de trouver des fournisseurs les plus éthiques possibles si ça venait de loin. On a dans notre charte 200 km autour de courts-circuits en voiture sur Google Maps qui définissent le local en fait. Et sinon, la plupart des fournisseurs locaux, au départ, on est passé par le calendrier, l'annuaire du Florin. On a cherché déjà tous les producteurs qui étaient adhérents du Florin et donc qui participaient à la monnaie locale et solidaire pour laquelle on milite aussi. Mais quel est le statut juridique de courts-circuits ? Qu'on pourrait souligner, c'est le fait qu'on est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est une structure juridique qui est entre l'association et l'entreprise plus classique. Et le but de ça, c'est l'intérêt collectif dans un endroit donné, au niveau local. Donc personne ne peut s'enrichir. Tout ce qui est fait comme bénéfice ou autre, tout notre travail, tout ce qu'on met en œuvre, c'est pour le réinvestissement, soit pour de l'emploi, soit pour améliorer... justement, le fait qu'on fasse le zéro déchet, l'écologie ou autre, ou pour améliorer la vie et l'intérêt collectif autour de chez nous. Et puis les décisions sont prises collectivement encore, parce qu'on est déjà 130 sociétaires. Et c'est illimité, il peut y en avoir... plus il y en aura, mieux ce sera. Vous avez lancé ce concept pendant le confinement. C'est un peu un hasard, en fait, la mise en place de ce projet. On n'était pas du tout dans ce milieu-là. Moi, j'étais infirmière. Adrien, il était prof d'escalade. Et on était, en tant que consommateurs, nous, on essayait de consommer différemment, de faire vraiment du zéro déchet, de chercher des produits bio et locaux un maximum pour une question d'écologie. Et en fait, durant le premier confinement, on a eu l'occasion d'avoir le local là dans lequel on est installé. On a appris qu'il se libérait. Et là, on a pensé à monter court-circuit, mais c'était vraiment par hasard. En fait, on habite juste au-dessus. Et notre propriétaire, il avait son cabinet d'architecte à l'emplacement de cette boutique-là. Et au confinement de l'année dernière, au mois de mai, donc, il nous a dit qu'il partait en retraite. Et donc, est-ce qu'on avait une idée de faire quelque chose avec ce lieu, en fait. Et c'est ce qui nous a lancé là-dedans. On est parti sur plein de trucs et en fait, on a choisi, épicerie-bar. parce que ça correspond aussi à notre façon de vivre. Et oui, nos objectifs, c'est... L'épicerie pour Cynthia, le bar pour moi. Voilà. C'est pas vrai. Nous, en tant que consommateurs, on s'est rendu compte que consommer en vrac, consommer... Enfin voilà, on allait dans des épiceries vrac, c'était pas forcément des produits bio ou des produits locaux. Il fallait qu'on aille dans les épiceries bio, mais alors là, c'est des produits qui venaient des fois de l'autre bout de la France, enfin du monde. Pouvez-vous nous préciser les autres actions en faveur de l'environnement ? Eh ben, on a plusieurs points sur lesquels on travaille un maximum. Donc déjà, le florin, on en parlait. Hein, nous, on utilise le florin, on le prend pour nos clients, on paye nos producteurs en florin. Donc ça nous garantit déjà de travailler vraiment en local avec des producteurs qu'on signe une charte, donc qui sont plutôt écolos et éthiques. Donc déjà ça. Déjà, voilà, participer au florin, payer ses courses en florin, c'est déjà avoir fait un pas... vers un changement, vers une amélioration pour l'environnement, pour la planète, pour tout ça, parce qu'il y a une charte à respecter, n'importe qui ne peut pas accepter le florin, et du coup les boutiques dans lesquelles tu vas, si elles prennent le florin, c'est déjà qu'il y a quelque chose. Donc moi je vous conseille tous à adhérer au florin. Voilà. Et puis, de notre côté, on essaye aussi, en amont, au niveau de l'épicerie, de réduire aussi nos déchets. Donc, on a créé un compost, par exemple, on trie un maximum. Et puis sinon, on se met beaucoup en association avec d'autres sociétés coopératives locales. Par exemple, là, on travaille avec Fibricop, qui vient d'être créé, qui récupère des tissus industriels pour faire des sacs, pour faire des tabliers ou autres. Là, on va travailler avec eux. Ils nous font des sacs en tissu qu'on peut proposer aux clients. On va travailler au niveau de l'anti-gaspi avec, pareil, une autre société coopérative qui s'appelle Arlevie, qui va bientôt ouvrir. Donc là, tous nos produits arrivent en fin de date ou qui commencent à s'abîmer, hop, il va pouvoir les récupérer pour les retransformer, faire de la restauration avec ou nous refaire des produits qu'on pourra nous revendre. In Extremis qui récupère du pain dans les collectivités, qui fait des biscuits petit déjeuner, etc. Donc tout ce côté anti-gaspi, pareil en local, où ça peut tourner, tout est réutilisé. Nous semble intéressant au niveau environnemental. Et puis aussi, sincèrement, l'effort pour les consignes, hein, j'insiste là-dessus, hein, mais ça leur coûte plus cher. Ça leur coûte plus cher à nos producteurs de faire nettoyer leurs bouteilles que d'en racheter qui viennent de Chine sur des palettes, quoi. Et ils le font quand même, c'est un effort qu'ils font. Voilà. Alors, merci donc Amandine et Mathilde pour la présentation de ce mode de consommation complètement atypique. Et finalement, on a appris plein de choses. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse ? Oui, bien sûr, 47 rue du Voltaire à Laxou. Jérôme, je pense que nous sommes très contents d'avoir découvert cette adresse et que bientôt nous allons y aller boire une petite bière. Ah, tout à fait, Francine, j'apprécie beaucoup ce concept. Donc merci à toutes les deux de nous avoir présenté donc ce court-circuit. Deuxième coup de cœur donc musical. Alors Leandro, quel a été le choix de votre section ? Alors cette fois-ci, pour le second coup de cœur, nous avons choisi Take My Breath de The Weeknd. Très bien. Alors on se retrouve tout de suite après et on va retrouver donc Clotilde et justement donc Leandro pour parler d'Holacracy. I saw the fire in your eyes. I saw the fire. Surprise. Ooh, it's like a dream. What you feel? Alors nous accueillons maintenant Léandro et Clotilde qui vont nous présenter donc une nouvelle façon d'organiser le travail dans les entreprises. En effet, qui n'a jamais rêvé de travailler dans une entreprise sans pression hiérarchique ? C'est ce que cherche à atteindre cette nouvelle forme de management qui n'est d'autre que l'holacratie, concept inventé dans le début des années 2000 par Brian Robertson, président de Thermafy Software, une entreprise américaine de logiciels. Et donc Léandro, qu'est-ce que c'est en pratique ? Alors l'holacratie, c'est un mode de gouvernance qui vise à faire disparaître l'organigramme de l'entreprise et sa structure hiérarchique. Ainsi, les salariés n'évoluent plus de façon pyramidale, mais en cercle. Chaque cercle regroupe des salariés ayant la même fonction ou des fonctions proches au sein de l'entreprise. Ce mode de gouvernance qui répartit le rôle classique d'un manager entre plusieurs personnes permet donc à chacun de devenir décisionnaire, et ça de façon autonome. Fondée sur une intelligence collective, elle permet à la structure de s'auto-organiser à travers tous ses membres. C'est un concept compliqué à comprendre. On ne pourrait pas l'appréhender avec une comparaison ? Donc si on souhaite expliquer dans des termes plus simples ce qu'est l'holacratie, on peut, comme Brian Robertson, son créateur, la comparer à la pratique du vélo. Donc en effet, en général, les organisations sont dirigées comme si on était un cycliste à qui on avait bandé les yeux. On lui donne des instructions avant de le faire pédaler le plus rapidement possible, les yeux dans le noir. Dans ce cadre-là, opter pour l'holacratie serait comme décider de conduire en ayant les yeux grands ouverts. Si ça peut paraître étrange et effrayant au début, on finit par se rendre compte que c'est plus sûr, plus souple et qu'on peut ainsi appréhender plus facilement les événements inattendus. Mais est-ce que ce concept est utilisé en pratique ? Malgré les concepts qui semblent être remarqués, l'holacratie n'est pas beaucoup utilisée en France, même si quelques sociétés ont tenté l'expérience. C'est par exemple le cas de la société Scarabée Biocoop, c'est une enseigne de distribution leader du bio en Bretagne. Le président du directoire, Isabelle Bohr, démontre que la finalité de l'holacratie n'est pas de supprimer entièrement le management, mais seulement de briser les mauvais côtés de la hiérarchie. Ce qui veut dire que des objectifs sont tout de même introduits par la direction, mais que chaque personne doit se comporter comme son propre manager. L'holacratie, ce n'est donc pas nécessairement de passer d'un management absolu au pouvoir partagé entre tous, il s'agit plutôt d'une question d'autorité distribuée de façon explicite. Pour l'instant, on a mis en lumière les avantages, mais est-ce que cela implique également des problèmes ? Alors en effet, comme on a pu le voir plus tôt, l'autonomie, le sens des responsabilités et l'égalité peuvent amener des avantages, mais beaucoup d'inconvénients. Ce qui semble permettre de favoriser le bien-être des salariés se transforme en véritable cauchemar pour ceux qui ne souhaitent pas obtenir davantage de responsabilités. Le stress s'empare de ces derniers, l'entreprise ne poursuit plus ses objectifs comme elle le devrait. Il faut donc obtenir l'adhésion complète des salariés afin de mettre en place ce concept. Et l'égalité salariale peut également compromettre l'ancienneté de certains salariés qui souhaiteraient, par exemple, évoluer au sein de l'entreprise. Donc, on n'aurait pas des exemples concrets à présenter ? Si certaines entreprises qui s'étaient converties à l'holacratie font aujourd'hui marche arrière et tendent à nouveau à retourner vers une gouvernance pyramidale plus classique en réintroduisant des managers au sein de leur société. C'est par exemple le cas de la société Zappos qui, après 6 années de gouvernance holacratique, a décidé de revenir à une gouvernance managériale, montrant ainsi les lacunes de ce système. Cela semble être décidé à l'avance si l'on sait que lorsque l'entreprise s'est tournée vers l'holacratie, 18% de ses salariés ont choisi de quitter l'entreprise. La question fatidique est donc la suivante, est-ce qu'on peut relier holacratie et entreprise libérée ? Alors pas totalement. En effet, même si l'holacratie semble être synonyme d'entreprise sans chef, ce n'est pas vraiment le cas en pratique, le fonctionnement de l'holacratie reste très codifié. Même s'il ne semble plus y avoir de personnes pour chapeauter les décisions, l'entreprise reste tout de même un organisme vivant avec des cercles différents qui fonctionnent avec de vrais outils de coordination et qui tentent à évoluer en fonction des demandes et des besoins. Eh bien, merci donc Clotilde et Léandro pour ces informations intéressantes sur cette nouvelle façon d'organiser le travail qui permet à de nombreux salariés donc de trouver le bonheur au travail. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. Alors maintenant, place à Marie, Nour et Anna qui vont nous présenter une chronique sur un sujet très sensible, la hausse des prix. Effectivement, la hausse des prix nous impacte tous. En témoigne l'inflation qui n'a jamais été aussi importante en France depuis des années, autour de 3%. Par exemple, depuis quelques mois, les entreprises ont remarqué une augmentation spectaculaire du prix des conteneurs dans le transport maritime. En fait, beaucoup de produits sont importés des pays asiatiques et sont transportés dans des porte-conteneurs. Et la demande est telle aujourd'hui que le prix d'un conteneur est passé de 3 000 euros en 2020 à 17 000 euros en 2021. Mais comment peut-on expliquer ce phénomène ? Cette hausse est directement liée à la reprise brutale des activités après la crise sanitaire. Comme les ménages ont consommé davantage, les importations en provenance des pays asiatiques ont explosé et la demande de transport aussi. À cela, il faut ajouter l'augmentation des prix du carburant qui impacte le transport maritime. En effet, un porte-conteneur consomme énormément de carburant. Alors justement, en 2021, le prix du baril de pétrole a progressé de plus de 50% et a atteint jusqu'à 80$ le baril. Mais il n'y a pas que le prix du pétrole qui a augmenté. En effet, pour le gaz en France, son tarif a augmenté de plus de 20% à la rentrée de septembre. Sa hausse en 2021 a été de plus de 55%, à tel point que le gouvernement a décidé de bloquer son prix dès le mois de novembre. De plus, pour aider les consommateurs, le gouvernement a annoncé le versement d'un chèque énergie de 100€ aux ménages les plus précaires afin de les aider face à la hausse des prix de l'énergie. Mais les prix de l'énergie et des conteneurs ne sont pas les seuls à augmenter. Vous l'avez sûrement remarqué en faisant vos courses, c'est également le cas des produits alimentaires, notamment l'huile, le sucre et le blé. Exact. Le prix des fruits et légumes a aussi augmenté en 2021 de 34%, celui du blé de 26% et celui des huiles de 39%. Historiquement, l'huile de palme est à son plus haut et le prix du blé n'avait pas connu une telle hausse depuis 10 ans. Cette flambée des prix est la conséquence d'une pénurie causée par de mauvaises conditions météorologiques ainsi que d'une demande trop importante de matières premières à travers le monde. Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour, a d'ailleurs reconnu des disparités au sein des produits alimentaires avec de fortes augmentations du prix des pâtes et de la farine allant de 5 à 12%. Pour faire face à cette hausse, il a proposé une négociation des prix de produits provenant des industriels. Mais ce n'est pas le seul à avoir proposé des solutions. Il y a également Lidl qui a décidé de réduire ses marges pour permettre aux consommateurs de moins ressentir la hausse des prix et de conserver un certain pouvoir d'achat. Mais oui, tout à fait. Le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations actuellement. Il y a même des négociations de branches qui sont en cours et qui sont difficiles à mener visiblement. Merci pour cette chronique. Et voilà, ainsi se termine donc ce numéro de l'Instant Éco, donc avec les étudiants donc du lycée Georges de la Tour en section DCG. Francine, tu me rappelles, DCG ? Alors le DCG, c'est une licence qui correspond à un diplôme de comptabilité de gestion, donc le premier pas vers l'expertise comptable. Voilà, merci donc à tous les étudiants d'avoir participé donc à cette émission. On les retrouvera, je crois, un peu plus tard dans, au cours de l'année pour une seconde donc émission de l'Instant Éco. Et bien d'ici là, Francine. Ben, au revoir Jérôme, voilà, et à bientôt. Au revoir et passez donc, un excellent mois et rendez-vous donc le mois prochain pour un nouveau numéro de l'Instant Éco. Et merci de rester fidèles à Radio Fadjet.